Ndaïkeza. Nous émettons depuis la ville de Bujumbura. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la mi-journée dont voici d'abord la charpente. Nestor Bang Mukunzi est désormais à la tête du Conseil national de la communication depuis ce jeudi. Cela est ressorti du vote des membres de ce conseil. Le chef de cet organe a indiqué que l'activité la plus urgente est la distribution des cartes de presse aux journalistes. David Nyonchungu, l'ancien secrétaire général de Frodebu Nyakuri, indique qu'il a perdu son poste au sein de ce parti parce qu'il a affirmé être contre le changement de la constitution. Néanmoins, il dit qu'il va poursuivre le combat politique. L'audience qui était prévue sur le vol de matériel de la Régie des eaux a été reportée au 15 juin en cours. Cette affaire est classée dans les dossiers de flagrance. Vous entendrez dans ce journal l'avocat de la défense. Et dans les dernières minutes de ce journal, vous aurez droit à la deuxième partie de la chronique judiciaire sur l'infraction de flagrance. La mise en onde est assurée par Eli Kadogo. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bienvenue encore. L'affaire sur le vol de matériel de la Régie des eaux, qui devrait siéger en audience de flagrance ce jeudi à la Cour anticorruption, a été reportée. Les avocats de la défense expliquent qu'ils n'ont pas eu le temps pour étudier le dossier en vue de défendre leurs clients. La Cour a reporté l'affaire pour ce vendredi 15 juin. Maître Éloge Ndaïchemeza, un des avocats de la défense, estime que les clients ont le droit à la défense, bien que le dossier soit de flagrance. On l'écoute. Nous avons voulu que cette affaire soit reportée parce que, premièrement, je suis nouveau dans le dossier. Mon client aussi a le droit d'être défendu. Donc, la raison pour laquelle j'ai demandé à ce que l'affaire soit remise à une autre audience. Heureusement que le juge nous a donné cette faveur. Je dirais une faveur parce que, aussi, c'est parce qu'il s'agit d'une affaire de flagrance. Mais le droit à la défense aussi est important. Vous revendiquez également qu'il y ait présence de certains autres prévenus que vous ne précisez pas. Qui seraient-ils? Malheureusement, je ne peux rien vous dire à propos de ces autres personnes. Je viens de vous dire tout à l'heure que je suis nouveau dans le dossier. Donc, pour le moment, je ne peux rien dire. Attendez à ce que je fasse mes instructions, que je puisse savoir qui a fait quoi. Peut-être que je vous aurai des informations sur... Deux prévenus travailleurs de la Régie des eaux étaient à la barre devant la Cour anticorruption. Il s'agit d'Arcade Misago et Onesfor Ngunzimana. Les deux avocats disent qu'il y en aura d'autres dans cette affaire, mais qui ne comparaissent pas. L'officier du ministère public fait comparaître celui qu'il estime coupable selon le tribunal. David Nyonchungu, récemment suspendu au poste de secrétaire général du parti Frodebu Nyakuri, rejette en bloc les accusations faisant état de son incompétence. Il affirme qu'il a été plutôt destitué pour s'être opposé au changement de la Constitution lors du récent référendum. Nyonchungu promet de poursuivre sa lutte politique en se ralliant à Dr. Jean Minani, qui l'appelle président du parti Frodebu Nyakuri. Politique encore, certains habitants de la zone Buhaira de la commune Mugui de la province Chibitoke se disent ravis de la création de la commune Buhaira. Il précise qu'il faisait un long trajet pour accéder au chef-lieu de la commune Mugui. Cependant, il demande au futur administratif de cette nouvelle commune de mettre en avant le bien du peuple de cette localité. On les écoute. Vraiment, moi, je me suis enchanté d'avoir entendu que le conseil des ministres a délibéré bel et bien que la commune Buhaira va exister. Nous sommes enchantés. C'est un enchantement très, vraiment favorable. Comme ça, le peuple de Buhaira s'enchante et s'enchantera, parce que ça va lui faciliter à ce que l'administration lui soit très proche. À Mugui, normalement, pour y s'y rendre, ça fait un long trajet et très coûteux, de manière que le bas peuple de Buhaira prend fin de sa vie sans toutefois arriver au chef-lieu de la commune. Oui. Pour le futur administrateur, si vraiment possible, serait mieux que soit un bon administrateur d'abord, un homme très coopérant. Un homme qui, du moins, cherchera la richesse de la commune, du moins les finances soient un peu élevées, de manière que le bas peuple ou la population y prenne part. Ce message est très bon, parce que pour les gens de la zone Buhaira, il est très très difficile pour aller à la commune Mugui. La distance est très longue. La population de cette zone a été contre de cette décision gouvernementale d'avoir reçu Bouhadjira comme commune. Nous avons accueilli son message avec le cœur très zélé parce qu'avec l'installation de la commune de Bouhadjira que nous allons vivre dans les jours prochains, le peuple de la zone Bouhadjira va accéder au développement de l'arbre très tôt. Et cela, ça sera vraiment une étape très importante dans la vie du peuple Bouhadjira. Le futur administrateur doit mettre en avant les talents du peuple de zone Bouhadjira pour que son peuple puisse accéder au développement de l'arbre. C'était certains habitants de la zone Bouhadjira de la commune Mougui de la province Chibitoke. À titre de rappel, le Conseil des ministres du 1er juin a validé le projet de loi portant création de la commune Bouhadjira qui sera la 120e commune du Burundi. Isanganiro, la radio de l'avenir. Parlons médias à présent. L'octroi de la carte de presse et la formation des jeunes journalistes sont les unes des principales priorités du nouveau président du Conseil national de la communication. Dans un point de presse animé après son élection à 15 voix sur 15, à la tête de cet organe, Nestor Bangmukunzi a indiqué que sa priorité, sa principale préoccupation est que le travail de régulation des médias soit exécuté le plus concrètement possible. L'actuel président du Conseil national de la communication reconnaît également que l'équipe actuelle de cet organe n'est pas conforme à la nouvelle loi le régissant, mais rien n'empêche qu'elle travaille comme il le faut. On l'écoute. Nous allons accorder une priorité à la mise en œuvre, ou plutôt au démarrage de la mise en œuvre de la nouvelle loi régissant le CNC. Ici, je fais allusion à l'octroi de la carte de presse qui est prévu par la nouvelle loi régissant le CNC. Il y a un travail qui est déjà battu. La plupart des journalistes sont déjà recensés. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je profite de l'occasion pour les inviter à se faire enregistrer le plus rapidement possible pour pouvoir bénéficier de cette carte de presse. Deuxièmement, nous avons constaté qu'au Burundi, vous savez qu'on n'a pas d'école qui enseigne le journalisme à proprement parler. C'est dire que les journalistes apprennent sur le tas. Ça veut dire que nous allons travailler en synergie avec les différents responsables des médias pour pouvoir former les jeunes journalistes qui se font engager dans différents organes de presse pour justement éviter qu'il y ait des journalistes qui pêchent par ignorance. Le CNC est régi aujourd'hui par une nouvelle loi. Est-ce que l'équipe actuelle que vous allez diriger répond aux exigences de cette loi? Est-ce qu'elle est au complet? L'équipe du CNC est au complet aujourd'hui. Évidemment, par rapport à la nouvelle loi, il y a de petits réajustements à faire, mais il n'y a pas d'extrême urgence. Nous pourrons continuer à travailler avec l'équipe qui est en place aujourd'hui, mais si besoin est, et comme cela est prévu par la nouvelle loi, on va nous conformer à cette loi qui est en principe mise en œuvre le jour de sa signature. Mais nous allons prendre le temps en collaboration avec les autres membres du CNC pour voir comment mettre en œuvre effectivement cette nouvelle loi. C'était Nestor Bangmukunzi, le nouveau patron du Conseil national de la communication. Une prison ferme de 2 ans et demi et une amende de 100 000 francs burundais chacun, telle la sanction infligée par le tribunal de grande instance ce mercredi à deux directeurs des écoles accusés de complicité dans la tricherie au concours national du 5 de ce mois à l'école fondamentale de Mitakataka. 5 témoins qui étaient aussi des surveillants de cet examen ont été punis d'une amende de 100 000 francs burundais chacun ou une prise en ferme d'une année. Douanza, Spes Caritas, Kabanyana. Au cours de ce procès de flagrance qui s'est déroulé au tribunal de grande instance de Bouanza ce mercredi, le ministère public accusé Hashim Agiguoraho Eras, qui était président du centre de passation du concours national à Mitakataka, d'avoir sorti un questionnaire du cours d'entrepreneuriat et de l'avoir donné à Hakizimana Ferdinand, directeur à l'école fondamentale de Gahongore, qui est resté tout près de la salle où se passait l'examen. Celui-ci a fait l'examen et il a donné les réponses aux élèves. Les deux détenus plaidaient non coupables, même si le substitut du procureur affirmait qu'ils avaient reconnu les faits lors des premiers interrogatoires. 5 témoins qui étaient aussi des surveillants de cet examen à Mitakataka ont affirmé qu'ils ont entendu parler de tricherie, mais qu'ils n'ont pas vu ces copies de réponses données aux élèves. Accusés de complicité, ils ont été infligés une amende de 100 000 francs burundais chacun ou un emprisonnement d'une année. À titre de rappel, un certain Hassabomutima Pierre, le sixième parmi ces surveillants du concours, a arraché les copies de réponses qui étaient données aux élèves et il les a acheminées au ministère de l'Éducation. Radio Isanganiro. Merci Space pour cette correspondance et quittons Bumanza pour nous rendre à Gitega où certaines armes saisies ne sont pas bien sécurisées et qui devraient être détruites immédiatement. Telles sont les doléances des représentants provinciaux de la Commission nationale de désarmement CENAP. C'était ce jeudi lors d'une rencontre organisée par cette commission avec le commissaire de police, les médecins provinciaux des provinces Gitega, Rutana, Mwaro et Muramvya. Le deuxième vice-président de cette commission dit qu'ils ont un problème d'être représentés dans les communes et les collines. De Gitega, appelons Arthur Kabaouchi. Selon le chef provincial de la Commission nationale chargée du désarmement, Aruyigi Bigirimana Juvenal, ils ont encore un problème dans un endroit sûr pour stocker les armes saisies, étant donné qu'elle est dans un mauvais état et même les stocks existants ne sont pas sécurisés. Ce chef d'antenne demande à la commission technique en charge de destruction des armes saisies de redoubler d'efforts pour détruire les armes qui sont saisies du moment que la plupart de ces armes sont détériorées. Le chef d'antenne de cette commission à Gitega dit que ça fait un bon bout de temps que les armes causent des dégâts dans cette province et que la population de Gitega est difficile à convaincre. Mais désormais, ils vont redoubler d'efforts dans la sensibilisation sur les méfaits de la possession illégale d'armes. Le commissaire provincial de la police à Gitega, Hakizimana Merkio, indique qu'ils ont à l'œuvre et qu'ils collaborent bien avec le chef d'antenne du désarmement. Pour ceux qui ont peur de remettre les armes et de peur d'être arrêtés, il leur tranquillise en faisant savoir qu'il les remercie du moment que s'ils ne le remettent pas à la police, ils les jettent dans les forêts, les champs et occasionnent ainsi des dégâts. Désiré Chimilman, deuxième vice-président de la Commission nationale en charge du désarmement, indique qu'ils ont encore un problème de ne pas avoir de représentants dans les communes et les collines pour qu'ils puissent mieux travailler. Depuis Gitega, Arthur Kababouchi pour la radio Isanganiro. Merci Arthur pour ces détails. Une nouvelle en bref. Le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2018 de football va être donné ce jeudi 14 juin. Entre la Russie, pays hôte, et l'Arabie Saoudite. Dans le groupe A, cette poule est composée par la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et l'Uruguay. Ce match d'ouverture de la Coupe du Monde édition 2018 sera précédé par les cérémonies d'ouverture qui vont débuter à 16h30, heure de Bujumbura. Vous saurez que la radio Isanganiro va retransmettre en direct cette rencontre entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Et le journal du soir, ça sera à 17h45. Radio Isanganiro, chronique justice. L'enquête en cas d'infraction de flagrance respecte la personne poursuivie. Comme pour la procédure ordinaire, le président du Centre de formation professionnelle de la justice considère que la juridiction doit chercher les circonstances qui entourent la commission de l'infraction. Edouard Minani précise que les garanties de la personne poursuivie et notamment l'assistance d'un avocat doivent être respectées. Les détails, c'est dans cette chronique judiciaire signée Alain Désiré Oukeineza. Nous avons parlé dans la précédente chronique que l'infraction de flagrance consiste principalement en une infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. La volonté de la procédure pénale à ce sujet est d'éviter que la population se fasse justice. Au cours de cette procédure, la personne poursuivie garde les garanties reconnues dans la procédure ordinaire. Le président du Centre de formation professionnelle de la justice dit que la personne poursuivie dans ce cas a notamment le droit d'être assistée par un avocat. Il a des droits, surtout le droit de défense. Dans ce laps de temps qui est court, il doit avoir un avocat s'il le faut. Parce que la loi le dispose ainsi. Le ministère public qui reçoit le dossier dans la procédure de flagrance, informe le prévenu qu'il a le droit d'être assisté par un avocat de son choix ou par un avocat qui est désigné par le juge, le tribunal compétent. Édouard Minani explique que l'avocat contribue d'éclairer le juge sur les circonstances qui entourent l'infraction commise. Le citoyen lambda il peut être qualifié d'un crime, mais il faut voir les circonstances qui entourent la chose. Il peut se retrouver dans une situation psychologique anormale. Il peut se retrouver dans une situation vraiment où il agit par inconscience. Il peut agir par impulsion psychologique. Et là, le juge peut apprécier toutes ces circonstances-là. Et l'avocat peut contribuer à éclairer le juge. L'audience du tribunal pour le cas de flagrance est publique, sauf si la juridiction décide qu'elle soit à huis clos. La justice a également mis en place un système d'aide légale. Même si c'est un cas de procès de flagrance, il a le droit de défense. C'est pourquoi l'État, d'ailleurs, a mis en place ce qu'on appelle le système d'assistance judiciaire ou le système d'aide légale, où actuellement on trouve des avocats qui ont été désignés par les barreaux près chaque tribunal de grande instance pour assister les cas qui nécessitent assistance judiciaire. Chaque fois qu'une perquisition est requise, l'officier de police judiciaire doit exhiber un mandat de l'officier du ministère public compétent. La permanence pénale est en place, comme le précise le président du Centre de formation professionnelle de la justice. Lorsque la perquisition est requise, c'est la même procédure en réalité, parce qu'il y a ce qu'on appelle la permanence pénale au niveau des juridictions et parquets. C'est-à-dire même pour les jours de congé ou les jours de week-end, il y a un siège qui est désigné pour les cas qui nécessitent célérité pour les cas de flagrance. Il y a un magistrat du ministère public qui est désigné pour être aux aguets. En cas d'une atteinte grave à la sécurité des personnes, des biens ou à celle de l'État, et en l'absence de tout agent ou officier de police judiciaire ou autorité judiciaire compétente, Édouard Minani dit que toute personne peut saisir l'auteur présumé de l'infraction, le mettre hors état de nuire et le conduire immédiatement devant l'autorité compétente la plus proche, qui en avise aussitôt le procureur de la République. Merci Alain Désiré pour cette chronique et c'est par elle que nous terminons ce journal. Merci chers auditeurs de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.